Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venu l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui dans la chronique, je vous parle de vaillants taxonomistes et de leur motivation inaliénable à inventorier et classer le vivant, par l'intermédiaire de noms latins parfois fantaisistes. J'aurai ensuite la chance de vous emmener avec moi en balade pour rencontrer Muriel Lecouvez, attachée de conservation et responsable des collections de zoologie du musée d'histoire naturelle de Lille. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Inventorier et classer le vivant est une lourde tâche à laquelle Homo sapiens s'est attelé il y a bien longtemps. De nombreux observateurs minutieux ont ainsi listé scrupuleusement et tenté de trouver une logique, une organisation au milieu de ce foisonnement de formes et d'organismes aussi différents que variés. Aristote, référence longtemps inégalée, décrit 500 espèces dans son Historia Animalium, l'histoire des animaux. On lui doit un premier classement entre les animaux avec du sang, les vertébrés, et ceux dénués de sang, les invertébrés, même s'ils ne les avaient pas encore identifiés comme tels. On lui doit également la création de concepts permettant de regrouper certains animaux entre eux, tels que celui du genre, de l'espèce, de l'essence et de la différence. Il met aussi en place la Scala Naturae, une pyramide du vivant où les espèces sont alignées de manière continue, de la plus importante, Dieu, les anges, puis l'humain bien sûr, aux moins passionnantes, lichens, champignons et pierres. Au fil des siècles, de nombreux autres naturalistes viennent enrichir ces observations et s'essayent au périlleux exercice de la taxonomie. Le philosophe grec Théophraste, élève d'Aristote, le naturaliste romain Pline l'Ancien, le botaniste suisse Gaspard Bauin, à qui l'on doit l'ébauche des premiers noms latins en deux parties, ou encore Joseph Piton de Tournefort, un botaniste français du XVIIe siècle, à qui l'on doit la définition de la notion de genre, qu'il décrit comme un regroupement d'espèces. Mais la star incontestée en la matière, le père de la taxonomie moderne, reste le naturaliste et botaniste suédois, Carl von Linné, à qui l'on attribue l'invention du système binominal. Deux mots, l'un pour le genre, l'autre pour l'espèce, pour décrire chaque espèce du vivant. Dans son best-seller « Systema Naturae », publié pour la première fois en 1735 et réédité à 12 reprises de son vivant, il inventorie plus de 10 000 espèces. Il sépare le vivant en trois grands groupes, celui des animaux, des plantes et des minéraux. Le règne animal est divisé en 6 grandes classes qui deviennent stables à partir de la 10e édition de son ouvrage, paru en 1758. On y retrouve les mammalia, les mammifères, les aves qui englobent les oiseaux, les amphibia qui regroupent amphibiens, reptiles et certains poissons, les pisces, les poissons osseux, les insecta qui a un beau vrac incluant arthropodes, araignées, crustacés et mille pattes, et enfin les vermes, un groupe fourre-tout qui servait en gros à trouver une place à tous ceux qui n'en avaient pas trouvé jusqu'à présent, mollusques, vers et autres oursins. Même s'il est forcément inspiré des réflexions de ses prédécesseurs, Linné a su populariser son système de classification dans le monde entier grâce à des moyens marketing que ne réuniraient pas nos publicistes actuels. Quoi de mieux pour vendre quelque chose que le sexe ? Précisément, il instaure le système sexuel, c'est son nom, dans lequel il compte les parties reproductrices des plantes pour les classer et explique avec moult détails leur mode de reproduction dans des termes, disons, fleuris. Il n'hésite pas à comparer les étamines, la partie mâle, au mari, et le pistil, la partie femelle, aux épouses. Ces descriptions botaniques se transforment en métaphores érotiques qui horrifient certains de ses contemporains. Prenons quelques exemples. Pour le genre digyne, de la classe des monoandries, on retrouve l'idée d'un mari pour deux épouses, di pour deux et gyne pour femme. Quand on étudie l'ordre des monogynes, de la classe des polyandres, Linné fait référence à une femme avec plusieurs maris. Ou encore chez Enandria monoginia, que Linné décrit lui-même comme équivalent à six hommes dans la même chambre de mariée avec une femme. Résultat des courses, ses écrits sont bannis du Vatican par le pape. On ne badine pas avec les fleurs. Et même si la classification de Linné présente de nombreuses failles, à la lumière des connaissances actuelles, elle marque une sacrée révolution. Rappelons tout de même que Linné, comme tous ses contemporains, était fixiste, créationniste et observait le vivant comme l'œuvre de Dieu. De plus, les écrits de Charles Darwin et idées d'un ancêtre commun à plusieurs espèces et d'évolution au cours des temps géologiques ne seront publiés qu'un siècle plus tard. Outre démocratiser le système binominal, Linné en a aussi posé les règles. Hors de question de nommer les espèces vivantes n'importe comment. Il définit ce qui sera le principe de priorité toujours utilisé aujourd'hui. Un nom générique, qui est satisfaisant, ne doit pas être changé pour un autre, même si le plus récent est plus approprié. Et même si les noms dérivés du latin et du grec ont la cote, les épithètes peuvent venir de n'importe quelle source. Enfin, il est bon d'éviter les noms à rallonge, ceux qui sont difficiles à prononcer ou ceux qui sont dégoûtants, selon l'aphorisme 249 issu de son ouvrage « Philosophia Botanica ». Cependant, malgré tous ses efforts et celles de ses héritiers, comme le Code international de la nomenclature zoologique, l'ICZN, qui tente de canaliser l'enthousiasme des découvreurs, de facétieux naturalistes ont réussi à habilement contourner les règles établies. Linné n'était pas le dernier. On lui doit le plus souvent des noms très suggestifs. Il est à l'origine du nom de la Vénus dionée, un mollusque bivalve de la famille des palourdes et qui, une fois ouvert, peut suggérer une vulve féminine. D'où la référence à Vénus, la déesse de l'amour chez les Romains. Comme quoi, on peut avoir de la culture et faire des blagues de bouffe. Merci Linné. S'ils peuvent sembler arides, les noms latins révèlent au contraire la fertile imagination de leurs auteurs. Pour trouver l'inspiration, certains se plongent dans les mythes et légendes, on l'a vu. S'intéressent aux caractéristiques morphologiques de leurs spécimens, à leur localisation, ou font des clins d'œil à leurs copains. Sir David Attenborough, le naturaliste et présentateur superstar britannique des documentaires animaliers de la BBC, peut s'enorgueillir d'avoir inspiré des générations de scientifiques. Ce n'est pas moins de 4 appellations qui dérivent de son nom. Un genre de fossile datant de la lointaine époque édiacarienne, l'une des plus anciennes périodes que la Terre ait connue. Un genre éteint de pléiosaure, reptile aquatique disparu, contemporain des dinosaures. Une espèce d'escargot et enfin, une libellule nommée en 2016 en son honneur pour ses 90 ans. D'autres utilisent les noms de leur découverte pour faire passer un message. Le botaniste français Raymond Hamet nomme en collaboration avec Alice Leblanc une espèce de plante tropicale Calanchoe mitegea. Mitegea, si vous remettez les lettres dans le bon ordre, ça donne je t'aime. Une attention clairement adressée à sa collègue, qu'il tient manifestement en haute estime. La réputation de lover des Français n'est donc pas près de s'éteindre. La pop culture inspire aussi les découvreurs et découvreuses, la preuve. En 2001, dans un article publié dans le journal Bulletin of Natural History Museum, John Watson et ses consoeurs nomment 3 espèces fossiles de l'arbre Ginkgo biloba selon les personnages des sorcières du disque monde de Terry Pratchett. Ginkgoides witherwaxiae pour Granny Witherwax, mémé sire du temps, G. nanoyogia pour Nanny Og, nounou Og, et G. garlicianus pour Magrat Garlic, Magrat gousse d'ail en français. On retrouve aussi l'influence de la saga Harry Potter sur les scientifiques actuels. On peut rapidement énumérer Alastor Moody, une espèce de guêpe potière, comme Potter, tu l'as, inspirée par le nom original de l'aurore Alastor Maugrey. Ampulex Dementor, clin d'œil au lugubre détraqueur, Dementors en anglais, qui aspire les âmes et qui désigne une espèce de guêpe parasite des cafards. On peut aussi trouver Lycosa aragogi, une espèce d'araignée loup dont le nom fait référence à Aragog, la gigantesque acromantule qui sert un temps d'animal de compagnie à Hagrid. Et en 2017, en Nouvelle-Zélande, c'est encore une espèce de guêpe parasitoïde du genre Lucius qui se voit baptisé Lucius Malfoy, en référence au Mangemort, père de Drago Malfoy et ennemi d'Harry. Tom Sanders, à l'origine du baptême de l'insecte, tient à réhabiliter les guêpes, souvent considérées comme une nuisance dangereuse, et mise sur la popularité du personnage et sa très légère rédemption à la fin de la série pour racheter la réputation de ces animaux. Certains naturalistes plus taquins vont même jusqu'à insérer des bons mots dans leurs appellations. Un classique prévisible, mais néanmoins efficace, est Abra Cadabra, nommé par Eames et Wilkins en 1957, tristement rebaptisé depuis Theora Mesopotamica, et qui désigne un mollusque bivalve d'eau salée. On peut aussi citer Jellae Baen, à prononcer Jelly Bean, ainsi que ses espèces proches, Jelly Donut et Jellyfish, des scarabées qui se nourrissent de blobs. Mon préféré reste sans aucun doute le papillon Caris Matic, injustement rebaptisé Detritivora Matic, si on peut plus rigoler. Révélatrice du désir insatiable de l'être humain à classer et décrire ce qui l'entoure pour mieux le comprendre, les noms atteints révèlent aussi un tout autre aspect de l'humanité. Sa curiosité sans limite et son indécrottable fantaisie. Je finis donc cette chronique par l'intermédiaire du grandiloquent roi Lot d'Orcany, latiniste convaincu, issu de la série Camelot d'Alexandre Astier et interprété par François Rollin. Odi panem quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Et nous revoici avec notre invité Muriel Lecouvez, attachée de conservation du patrimoine et responsable des collections de zoologie du musée d'histoire naturelle de Lille. Alors, pour commencer, quel est votre parcours ? Comment devient-on responsable de collection dans un musée d'histoire naturelle ? Alors, le parcours, il n'y a pas forcément de parcours tracé. Mon parcours personnel, c'est une formation scientifique classique, universitaire, et donc un petit peu de recherche de terrain, ce qui m'a amenée à travailler au Muséum National d'Histoire Naturelle et donc à découvrir le monde des musées par ce biais-là. Et donc je me suis réorientée vers la conservation et la valorisation des collections dans les musées d'histoire naturelle en région. Après, pour avoir un poste dans un musée d'histoire naturelle, il faut passer un concours de la fonction publique. Qui détermine un grade et donc un niveau de responsabilité dans l'établissement. Donc moi, je suis sur le grade d'attaché de conservation, qui est le grade en dessous du grade de conservateur. Et donc, j'ai la responsabilité des collections de zoologie. Alors, depuis quand est-ce que vous occupez ce poste au Musée d'histoire naturelle de Lille ? Le poste que j'occupe actuellement, je l'occupe depuis 18 ans. Est-ce que vous avez eu le temps de voir tous les spécimens ? Vous les connaissez tous ? Alors, je les connais pas tous par cœur, probablement pas. Mais je pense que je les ai à peu près tous vus parce qu'on a eu beaucoup de chantiers de collection et de chantiers de déménagement. Donc, d'une part, il y a une obligation réglementaire d'inventaire et de récollement qui oblige à revérifier qu'on a bien tous les spécimens en collection qui sont censés être là. Et comme en plus, on a des mouvements qui sont liés à des projets de travaux, à des réaménagements d'espace. Du coup, il y a toujours un moment sur une durée de 18 ans, il y a toujours eu un moment où j'ai eu à manipuler ou à croiser les uns ou les autres. Donc je pense que là, j'ai bien fait le tour de la collection. Oui. Mais ça, les inventaires, vous êtes tenu de les faire de manière régulière, tous les ans, tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Il y a une obligation d'inventaire, donc l'obligation d'avoir la liste de tout ce qui est présent en collection. Et il y a une obligation de récollement décennal, c'est-à-dire l'obligation de vérifier l'inventaire sur une période de 10 ans. C'est-à-dire, en théorie, on est censé vérifier au moins une fois tous les 10 ans que tous les spécimens qui sont censés être en collection sont bien présents et que tous les spécimens qui sont bien présents sont bien enregistrés dans l'inventaire. Le récollement, c'est vraiment la confrontation entre le registre d'inventaire légal et la réalité de ce qu'on a dans les réserves, dans les étagères. Mais ça veut dire que c'est savoir ce que l'on a, c'est vraiment recensé. Oui. Mais par exemple, est-ce que l'état des spécimens rentre en compte ? Est-ce que dans ces histoires d'inventaire, il y a aussi des restaurations, des choses comme ça à envisager ? Ou c'est en théorie, dans le récollement, dans la fiche de récollement, on doit effectivement noter que le spécimen est bien présent et à quel endroit il est rangé. Mais aussi faire un constat d'état, faire des photos et donc noter tous les éléments qui sont nécessaires à la bonne gestion des collections. Ça, c'est la théorie, parce que du coup, ça veut dire que si on fait vraiment une fiche de récollement telle qu'elle est prévue en théorie par la loi, c'est-à-dire qu'on reprend les mesures, qu'on fait un constat d'état détaillé, qu'on fait des photos, il faut, même en travaillant très vite, au moins 30 minutes par spécimen. Comme il y a à peu près 205 000 échantillons en zoologie. J'ai calculé qu'il me fallait donc quelque chose comme 79 ans pour faire le tour. Ça ne rentre pas dans le récollement décennal, ce n'est pas possible. Donc du coup, on est obligé, quand ce sont des collections comme ça qui sont en très grand nombre, ce qui est le cas pour l'histoire naturelle, ce qui est le cas aussi pour les collections d'archéologie par exemple, on est obligé d'élaborer des stratégies qui permettent de gérer la quantité tout en restant dans le cadre réglementaire de la loi musée. Et donc, on fait des inventaires par lot, par exemple. On va faire du récollement sur les contenants. D'accord. C'est-à-dire qu'on va vérifier, par exemple, les boîtes d'insectes. Oui, on va vérifier chaque insecte. Chacune des boîtes d'insectes est bien présente. Éventuellement, on va vérifier le nombre d'insectes dans chaque boîte et faire une photo de la boîte. Mais on ne va pas reprendre les insectes un par un. Parce que sinon, c'est impossible de le faire dans un délai raisonnable. Après, donc, on va avoir les campagnes de récollement où on va avoir du quantitatif, c'est-à-dire qu'on va essayer de vérifier globalement ce qu'on a et si c'est en bon état et où c'est rangé. Parce qu'on a cette obligation légale de pouvoir sortir en 5 minutes n'importe lequel des spécimens qui est censé être à l'inventaire. Et puis après, on a à côté de ce travail quantitatif, on va avoir du travail qualitatif plus spécifique sur une partie de la collection. Donc chaque année, on va déterminer un axe prioritaire, l'inventaire d'une collection, d'une famille d'insectes particulière ou d'une collection d'un donateur particulier. Et là, on va faire de l'inventaire détaillé, précis, en vérifiant les informations des données de collecte, qui sont des informations importantes d'un point de vue scientifique, ou en prenant les mesures, ou en faisant de la vérification sur les données de provenance. Mais ça, on ne peut le faire que sur des petites parties de collection et pas sur l'intégralité, vu la quantité de collection à gérer. Donc vous avez dit 205 000 pièces rien que pour la zoologie, c'est ça ? Oui. Sachant que dans ces nombreuses pièces, la plus grande partie n'est pas visible du public, j'imagine. Non, il y a à peu près 4 000 spécimens exposés ouais. Dans le musée en zoologie, ce qui est encore énorme. Oui. Ça fait encore des vitrines bien, bien remplies. Alors, d'une part, il n'y a pas forcément une vocation à présenter toutes les collections. Non, on a des collections scientifiques de mouches, par exemple, qui datent du 19e et dans lesquelles on a des types, donc les spécimens qui ont servi à décrire l'espèce, qui sont donc des références internationales extrêmement importantes qu'on se doit de conserver et de mettre à disposition des chercheurs, mais qui n'ont pas vocation à être présentées au public, qui de toute façon n'y trouveraient pas forcément d'intérêt. Et clairement, on est aujourd'hui dans des présentations pédagogiques beaucoup plus aérées, où on va scénographier les présentations, c'est-à-dire mettre en valeur certains spécimens pour soutenir un discours, pour présenter des éléments particuliers au public. Alors on a encore effectivement pas mal de vitrines bien remplies qui donnent l'esprit des musées 19e, à l'époque où l'intégralité de la collection était présentée. Donc ça donne une ambiance, mais ça ne donne pas d'explication, ça ne donne pas de sens, et du coup il n'y a pas de pédagogie dans ces présentations. On cherche aujourd'hui à faire plutôt des présentations aérées avec des mises en valeur de certains spécimens. Avec certains messages peut-être. Et un certain message, voilà. Présenter des groupes d'animaux, les carnivores ou les espèces par continent peut-être, par zone géographique. Oui, alors après, ce sont vraiment des choix stratégiques et puis on teste aussi en fonction du retour des publics. On va faire par exemple une salle des mammifères où on va juste mettre les caractéristiques des mammifères en 3 ou 4 panneaux. L'idée, c'est que si, quand les gens ressortent, ils ont retenu qu'un mammifère, c'est un vertébré qui, en général, a le corps couvert de poils et qui allaite ses petits, plutôt que d'essayer de raconter 50 000 trucs sur des détails que les gens ne retiendront pas forcément, on a un niveau de discours qui est vraiment hiérarchisé, les informations de base très très visibles, bien mises en scène, pour que ça marque les esprits de tout le monde, même ceux qui passent rapidement. Et puis après, on a d'autres niveaux de lecture pour ceux qui veulent aller plus loin, des petites anecdotes sur telle ou telle espèce qui permettent aussi de marquer le public, mais sur un niveau de lecture différent. Donc, outre la question de la place, la grande question quand vous stockez les spécimens, parce que bon, la place, c'est sûr que c'est un problème récurrent pour les musées d'histoire naturelle, mais vu que ce sont des spécimens souvent anciens, qui peuvent être susceptibles d'être abîmés, est-ce que vous avez des dispositifs particuliers pour stocker vos spécimens dans les réserves ? Oui, donc en fait, on regarde les critères de dégradation des collections au cours du temps. Les critères physiques comme la lumière ou les variations de température. Donc là, les aménagements, ça va être d'être dans des espaces sans fenêtres ou avec les fenêtres occultées pour avoir le moins de lumière directe. Et en tout cas, pas d'UV sur les spécimens qui risquent de les décolorer. Et puis pour les variations de température, alors on n'a pas d'espace avec des clims. Mais après la climatisation, c'est bien quand ça marche, mais quand ça tombe en panne, du coup, on a des variations encore plus importantes que quand on est dans un bâtiment ancien qui, du coup, va avoir une grosse inertie thermique. Donc on essaie de maîtriser comme on peut les variations de température et d'hygrométrie, parfois en aménageant avec des déshumidificateurs ou des humidificateurs pour temporiser un peu les variations microclimatiques. Et puis après, il y a tous les facteurs de dégradation biologique, donc tous les agents qui naturellement décomposent la matière organique qui sont susceptibles de s'attaquer aux collections. Donc des insectes qui viennent faire des trous. Voilà, les champignons, les bactéries, les insectes, donc les insectes kératinophages qui consomment naturellement la peau, les plumes, les poils qui sont donc des facteurs de dégradation importants pour les collections en matière organique. Et donc, alors on fait du préventif. Ça va être par exemple d'avoir des pièges lumineux dans les réserves qui vont attirer les insectes qui peuvent potentiellement rentrer malgré les précautions. Et du coup, une fois qu'ils sont collés dans le piège, ils ne vont pas pondre dans les spécimens. Donc ça limite les dégâts. Ça permet à la fois de limiter les attaques et en plus de les suivre. C'est-à-dire qu'en relevant les pièges, on peut voir si on n'a que des mouches, il n'y a pas de souci. Si on commence à avoir une ou deux mites, on va commencer à vérifier les spécimens. Puis si on a 50 mites dans le piège, ça veut dire qu'on a une attaque et qu'il faut faire un traitement. Voilà. Donc ça permet aussi d'éviter les problèmes, donc on est dans du préventif. Et puis ça permet aussi de cibler le curatif au moment où on en a vraiment besoin et pas de faire des traitements à l'aveugle au cas où. Oui, oui. Donc voilà. Après, en dehors des insecticides, on a d'autres méthodes comme la congélation ou le traitement par anoxie, donc par privation d'oxygène. Tout être vivant, quel que soit son stade, a normalement besoin d'un petit peu d'oxygène. Donc en mettant les collections dans des bulles totalement hermétiques. Mais comme il faut mettre les spécimens dans des sacs, ou c'est carrément des salles entières ça prive... peut être des salles entières en général. Ouais, okay. Soit on a un petit spécimen et on le met dans un sac étanche avec des pastilles qui vont absorber l'oxygène. Soit on a des gros volumes à traiter ou tout un ensemble à traiter. Et donc là, on fait des bulles d'anoxie, c'est-à-dire qu'on monte des étagères enveloppées dans une grande bulle en plastique spéciale étanche à l'oxygène. Et on fait passer un flux d'azote en continu pour éliminer tout l'oxygène. Et on laisse comme ça, sans oxygène, pendant un certain temps. Wow. Pour éliminer tous les parasites qui sont potentiellement dans les collections. Et ça, des dégradations irréversibles, c'est déjà arrivé à cause de champignons, de bactéries. Oui, c'est extrêmement compliqué de dire qu'on n'a jamais d'attaque. Ça arrive forcément même en prenant des précautions. Parmi les précautions qu'on peut prendre, ça va être par exemple de faire des quarantaines pour les spécimens qui ont été sortis des réserves, ou bien quand c'est une nouvelle collection qui arrive. Avant de rentrer des objets en réserve, on va soit les traiter, par exemple en les passant au congélateur ou en les mettant dans des sacs étanches. On va respecter une quarantaine pour vérifier qu'ils ne sont pas infestés et qu'ils ne vont pas amener une infestation dans la salle. Et je me demandais, du coup, si on est toujours un petit peu dans les secrets du Musée d'Histoire Naturelle de Lille, quels sont vos spécimens les plus anciens dans la collection de zoologie ? Alors, le spécimen le plus ancien en zoologie doit dater de 1804. En fait, le musée a été créé en 1822, donc on a beaucoup de collections du 19e. On est vraiment à la période où sont constituées les collections d'histoire naturelle et où sont créées la plupart des muséums en France, donc à l'exception de Paris qui a une histoire très particulière. Un peu plus sûr, ouais. Mais le 19e, c'est vraiment la période où on collecte, on ramène... On rassemble des collections d'histoire naturelle pour décrire le monde. Et donc, on a vraiment des collections importantes qui sont constituées à cette époque. Et comme on a des collections qui viennent de particuliers, de collectionneurs, qu'elles soient arrivées au musée au 19e siècle ou après, donc on peut récupérer dans un ensemble des spécimens qui sont un petit peu plus vieux que le musée lui-même. C'est assez rare d'avoir des spécimens plus anciens. Alors, sur les animaux naturalisés, plus c'est ancien et plus la probabilité que ça soit dégradé avec le temps est importante. Donc, c'est clair qu'avant 1800, c'est quand même assez rare. Et après, on pourrait avoir des collections plus anciennes de coquillages, par exemple, de spécimens qui sont conservés secs et qui n'ont pas ces problèmes de conservation de matière organique. Mais comme la période où les collections se sont constituées, c'est plutôt le 19e, on est vraiment sur des spécimens de cette période-là. Et ce spécimen de 1804, du coup, ce sont des coquillages ou... Il doit venir d'une collection de coquillages, oui. Mais c'est vrai que ça se faisait beaucoup à l'époque, qu'il y avait des dons entiers de collectionneurs privés qui donnaient l'intégralité de leur collection à des musées. Oui, il y a quand même beaucoup de muséums qui se sont constitués aussi à partir de ces notables qui faisaient partie de Société des Sciences. C'est le cas ici, donc c'est la Société des Sciences de Lille qui a créé le musée. Et donc les personnalités qui faisaient partie de cette société savante ont donné ou vendu leur collection à la ville pour qu'elle soit intégrée aux collections du musée. Est-ce qu'il y a ici, soit exposé au public, soit dans les collections, dans les réserves, des pièces qui sont difficiles à trouver, qu'on ne trouve pas dans tous les musées de France ? Des animaux disparus ou des choses qui sont un peu plus hors du commun ? On a effectivement une petite liste de trésors, enfin de spécificités, on va dire. Alors déjà, le fait que justement le musée est une histoire ancienne fait qu'on a des spécimens qui existaient au 19e, qui étaient collectés au 19e et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc on a à peu près une trentaine de spécimens d'espèces aujourd'hui disparues. Alors, des raretés mondiales, pas forcément, mais des animaux comme le grand pingouin, dont il doit rester une trentaine de spécimens, des animaux comme la tourte voyageuse d'Amérique, oui, le pigeon migrateur d'Amérique, dont il doit rester une petite centaine de spécimens. Et ça, c'est au niveau mondial, il en reste 100 naturalisés. Oui, à peu près, oui. Okay. Après, on a un thylacine aussi, donc c'est pareil, il en reste quelques-uns dans les muséums. Mais par contre, la particularité qu'on a, c'est qu'en plus du thylacine naturalisé, qu'on trouve dans les grands muséums, on a aussi un squelette de thylacine. Et ça, c'est plus manifestement rare. Beaucoup plus rare. Le squelette monté de thylacine, a priori, il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Donc voilà, donc il y a les espèces effectivement disparues ou menacées qui sont dans les collections historiques, voilà, qui sont là depuis longtemps, depuis avant la disparition de l'espèce. Après, dans les particularités des collections du musée, donc après on a les types scientifiques, voilà, donc les spécimens conservés à la description d'espèces. Donc en zoologie, on n'en a pas énormément, on en a quelques-uns dans les insectes, donc particulièrement dans les mouches, et puis on a quelques coquillages aussi. Voilà, on n'est pas le muséum national, donc on n'a pas énormément de types. Enfin, il y a comme ça des espèces types qui sont propres, au musée de Lille, au musée d'Angers, de Tours, de Toulouse. Il y a comme ça une liste de, si on est chercheur par exemple et qu'on a besoin d'avoir accès à ces types. Il y a une liste qui existe. En général, les chercheurs ils vont travailler sur une espèce et donc ils vont repartir de la publication qui décrit cette espèce. Et dans la publication, l'auteur, quand il décrit l'espèce, doit indiquer à quel endroit il a déposé les spécimens qui lui ont permis de faire cette description d'espèce. Okay. Donc en fait, c'est par les publications que les chercheurs peuvent retrouver où sont les types, où sont censés être les types des différentes espèces. Voilà. Et après, on a comme particularité, c'est moins exotique, mais on a des races régionales d'animaux domestiques qui sont liées à des traditions locales. On a une grosse collection de coqs et de poules et on a une grosse collection de pigeons. Et donc, ce sont des collections qui datent de la fin du 19e, début 20e. Et là, c'est vraiment une particularité parce qu'il y a très très peu de collections équivalentes dans le monde. Il y a une collection, une petite collection en Allemagne, mais pas l'équivalent de ce qu'on a. Il y a une collection en Angleterre, mais on a vraiment cette particularité d'avoir un enregistrement des différentes races domestiques de volailles et de pigeons du début du siècle, en sachant que certaines races ont disparu ou ont failli disparaître, que les types morphologiques de ces races ont aussi beaucoup évolué dans le temps, qu'il y a beaucoup de races qui ont disparu après-guerre parce qu'on a une uniformisation dans l'agriculture, une industrialisation dans l'agriculture qui a déterminé quel type était le plus productif et que toutes les régions, enfin tous les pays devaient avoir la même chose. Et on a perdu un peu cette diversité qui existait dans les animaux domestiques avant. Et donc oui, ça c'est vraiment une collection très très particulière. Dans les muséums, la préoccupation de la conservation des animaux domestiques, elle est plutôt arrivée à partir des années 80, justement au moment où la plupart des muséums se sont rénovés et ont changé de positionnement, donc sont passés d'établissements scientifiques à des établissements pour le public, et où du coup on s'est préoccupé de vouloir montrer les races régionales des animaux d'élevage de la région. Donc il y a beaucoup de muséums aujourd'hui qui ont des animaux d'élevage, mais plutôt des collections récentes qui datent des 20-30 dernières années. Ouais. Alors que nous, on a une collection importante, mais qui date du début du XXe siècle. Et donc ça veut dire que ces spécimens récents, comment est-ce qu'ils rentrent dans la collection? Est-ce que là, c'est plus des dons de collectionneurs comme au début du XIXe ou du XXe? Est-ce que là, ce sont des animaux qui vous sont légués par des éleveurs? Parce que voilà, c'est un animal qui... Ça arrive. Alors pour les volailles, justement, on a travaillé avec des associations d'éleveurs qui s'intéressaient à l'histoire des races régionales, qui ont donc demandé à consulter la collection et qui ont proposé de la compléter avec certains de leurs animaux. Après, on a plusieurs sources d'enrichissement des collections, puisqu'une collection, il faut qu'elle reste vivante. C'est-à-dire on conserve le passé, mais il faut aussi qu'on enregistre le présent et qu'on complète la collection à la fois pour répondre aux besoins d'exposition d'aujourd'hui, mais aussi pour enregistrer l'activité scientifique, enregistrer les spécimens qu'on trouve aujourd'hui. Donc, bien évidemment, on ne va plus collecter dans la nature. Les lois de protection de la nature sont passées par là. Donc, nous ne faisons pas du terrain, nous n'allons pas à la chasse. Hein. C'est plus du tout ça. Parce que des fois, les gens imaginent encore que les animaux sont prélevés pour enrichir des collections. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Alors, ça existe dans les centres de recherche. D'accord. Mais c'est beaucoup moins systématique que ce qui se faisait au 19e. Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, mais là, sont plutôt les structures de recherche qui peuvent faire des campagnes, qui vont aller collecter des organismes dans les fonds marins ou dans les forêts tropicales pour continuer à faire l'inventaire du vivant, puisqu'il y a encore des milieux, en particulier dans le milieu marin, qu'on ne connaît absolument pas. Et on a quand même besoin d'un certain nombre de spécimens pour les décrire, justement, et les enregistrer. Mais ce ne sont pas des collectes pour remplir des réserves dans les musées, clairement pas. On a déjà de la place, des manques de place, on a plein de pousser les murs, donc on ne fait pas de collecte dans la nature. Par contre, donc, soit on récupère des collections déjà constituées. Donc ça arrive encore, du coup. Oui, ça arrive très, très régulièrement. Encore la semaine dernière, une dame qui m'a appelée pour me proposer une tête de lion. Donc, d'accord. C'est quelque chose qui est fréquent. Je ne pensais pas du tout que c'était de manière courante, mais oui, d'accord. Voilà. Alors, courante, pas forcément, mais j'ai toujours 5-6 propositions de dons par an de gens qui veulent donner... qui ont hérité des choses. Voilà, ouais. Qui ont hérité, qui... des personnes âgées qui vont déménager et qui n'ont plus la place pour la collection d'insectes, pour les trois canards naturalisés, pour la tête de lion, pour voilà, des choses diverses et variées comme ça. Donc on a toujours ce genre de propositions régulièrement. Et puis après, on a la chance d'avoir un zoo à Lille qui est aussi un service municipal. Et donc, malgré tous leurs efforts, il arrive que des animaux décèdent au zoo et donc on peut récupérer. Donc on a comme ça récupéré un panda roux récemment, qui était justement un des pandas les plus âgés en parc zoologique. La femelle a vécu 23 ans. Ah oui, c'est un âge vénérable. Quand même un âge très vénérable pour un panda roux. C'est une chance inespérée pour nous d'avoir un spécimen de cette espèce. Donc c'est vrai que les parcs zoologiques nous permettent d'avoir accès justement à des espèces qu'on ne peut absolument pas obtenir autrement, qu'on ne peut absolument pas prélever dans la nature. Oui, et puis qui sont des animaux exotiques, en voie de disparition, etc. Voilà. Ouais. Mais qui du coup sont aussi des animaux emblématiques intéressants à avoir en collection. Pour un discours auprès du public sur le fait que c'est une espèce menacée, pourquoi elle est menacée, pourquoi c'est important de la sauvegarder, comment on fait pour la sauvegarder. Donc ce sont aussi à la fois des spécimens qui vont avoir un capital sympathique, qui vont attirer le public et sur lesquels on a beaucoup de choses à raconter. Ça reste des bons ambassadeurs. Ça reste de très bons ambassadeurs. Et puis après, justement, comme il y a des réglementations, il y a des gens qui enfreignent la loi et qui se font attraper. Donc on a aussi des dépôts de saisie, de douane, de l'Office national de la chasse, de la police aux frontières. J'imagine que c'est plus, par exemple, moi j'imagine sans doute un peu naïvement que c'est plus genre des défenses, des pots tannés, mais est-ce qu'il peut y avoir des spécimens entiers? C'est effectivement assez souvent des objets manufacturés, mais ça peut être des animaux naturalisés. D'accord. J'ai récupéré des crocodiles, j'ai récupéré des rapaces. Mais qui étaient chez des particuliers? Qui étaient chez des particuliers, que des gens transportaient. Ouais. Donc ça arrive ça aussi. Ça existe encore. Ça arrive aussi. Mais du coup, c'est pas du tout cautionné, c'est pas la manière la plus générale où les nouvelles pièces arrivent dans les collections, en tout cas. Non, vraiment, la source principale aujourd'hui sont les animaux des parcs qu'on peut récupérer et qu'on fait naturaliser. Puis en plus, avec des techniques modernes, donc ça permet d'avoir des beaux spécimens. Ouais. Exactement. On vous laisse gazouiller de plaisir le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. We will not let our minds be used. We will not let our minds be used in this wicked world. We will band together. We will make the human family one once more. We will live in a land teeming with prosperity, with purity, common good, with milk and honey. They say, for unto us a child is born, a son is given, but shall they be in the end? They don't know about what, they don't know about what. They don't really want us to go to war. C'était The Beginning and the End du groupe Salt. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pi. Et je m'invite aujourd'hui exceptionnellement dans les coulisses du Musée d'Histoire Naturelle de Lille pour poser mes questions à Muriel Lecouvez, attachée de conservation du patrimoine et responsable des collections de zoologie. Alors, on en discutait avant la pause. Les spécimens que l'on peut retrouver dans les musées d'histoire naturelle sont souvent anciens, début du 19e, 20e siècle. Du coup, une question qui est sans doute un peu provocatrice, mais est-ce que les animaux naturalisés, qui datent des fois de plusieurs siècles, est-ce qu'ils ont une utilité aujourd'hui ? Ils ont une utilité si on a des données de collecte, en fait. Ils ont une Alors, ils peuvent avoir une utilité pédagogique, avoir un spécimen... On parlait des espèces disparues, voilà, avoir un spécimen de thylacine pour montrer à quoi ressemblait le thylacine et raconter son histoire et raconter pourquoi il a disparu. C'est toujours un élément pédagogique. Puis après, il y a les collections qui ont un intérêt scientifique, voilà, qui peut être en plus de l'intérêt patrimonial ou pédagogique. Et ça, c'est lié principalement aux données de collecte, c'est-à-dire au fait de connaître la date et le lieu à laquelle ils ont été prélevés. Ces données sont extrêmement importantes parce que c'est ce qui permet de déterminer ce qu'on avait comme espèce à un endroit donné, à un moment donné, et d'avoir le spécimen, c'est-à-dire que l'évolution des connaissances fait que le nom qu'on met sur un organisme, sur un animal, sur une plante, il peut changer au cours du temps. Parce que ce qu'on mettait dans un seul groupe, on va mettre deux noms différents aujourd'hui, ou inversement... ce qu'on mettait sous deux noms dans le passé, on va le mettre sur un seul nom aujourd'hui. Et donc, c'est très important d'avoir le spécimen et pas seulement les registres, les enregistrements de ce qu'on trouvait, parce qu'avec le spécimen, on peut vérifier la détermination avec les connaissances d'aujourd'hui. Et du coup, on sait qu'on compare vraiment les mêmes éléments quand on regarde ce qu'il y avait dans le passé et ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, les cartographies d'évolution des faunes, de disparition de certaines espèces dans une région, de perte de biodiversité dont on parle beaucoup, elles se basent en fait sur les données de terrain, mais aussi sur les données des collections. Les collections des muséums sont remplies de données de collecte qui servent à établir ce qu'il y avait dans le passé et donc qui servent à faire la comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui. Et donc tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le fait que des espèces disparaissent ou que des populations s'appauvrissent, on ne le sait que parce qu'on a étudié ce qu'il y avait dans le passé et les collections des musées sont un enregistrement de l'étude du passé. D'intenter quelles espèces il y avait à quel endroit. Exactement. Donc du coup, oui, les collections servent pour la recherche. Aujourd'hui, il y a même des modules de formation pour les chercheurs, pour leur faire prendre conscience justement de tout l'intérêt qu'il y a à aller voir ce qu'il y a dans les collections. Donc là, on a... Sur les données de collecte et l'évolution de la biodiversité, clairement, les collections des muséums ont un rôle important. Et puis après, il y a des éléments un peu plus particuliers, c'est-à-dire qu'on peut aller rechercher des éléments précis dans certains spécimens, par exemple sur des espèces disparues. Il y a eu des prélèvements sur les grands pingouins, par exemple. Au niveau de la peau, des plumes. Au niveau de la peau et des plumes, pour doser les isotopes radioactifs, donc les éléments qui sont les composants de la plume, qui ont permis de déterminer dans quelle zone et à quelle profondeur les grands pingouins allaient pêcher. D'accord, ça juste avec un spécimen naturalisé. Juste avec, voilà. Donc en reprenant l'ensemble des spécimens qui sont encore dans les muséums, même s'il n'en reste que relativement peu, puisque c'est une espèce disparue, eh bien, des chercheurs ont pu redéterminer l'écologie de cette espèce, c'est-à-dire son mode de vie, dans quelle zone ils allaient pêcher et à quelle profondeur ils allaient pêcher. Des données de comportement, alors que l'animal est mort depuis des centaines d'années. Exactement, des données de comportement qu'on n'avait pas, puisque à l'époque, ils n'avaient pas les moyens techniques de suivre ces animaux. Et on arrive à recomposer comme ça un petit peu l'image de ce que pouvait être la vie de cet animal disparu par des éléments qui sont enregistrés dans l'organisme. Là, on a aussi une étude, il y a une étude sur la génétique des girafes, et donc il y a eu une demande à tous les muséums de France pour dire ce qu'ils avaient comme girafes et faire éventuellement des prélèvements. On a eu des prélèvements aussi sur nos vautours fauves. Donc voilà, donc il peut y avoir des études de génétique de population, de génétique sur l'évolution qui se font à partir d'échantillons qui sont prélevés sur les spécimens des collections. Et donc ça peut être des chercheurs et des chercheuses lilloises, mais de partout en France qui font des musées. Les demandes viennent de partout en France, voire de partout dans le monde. Oui, parce que vous parliez là, par exemple des mouches tout à l'heure, vu que vous aviez une collection un peu hors norme ici à Lille, c'est déjà arrivé que quelqu'un vienne spécifiquement pour les mouches. Oui, ça arrive régulièrement, j'ai encore une demande là pendant l'été d'un chercheur autrichien, je crois, qui demande à consulter une partie de Mais dans ces cas-là, par exemple, ils ont besoin de faire des prélèvements. Parce que je me dis, par exemple, une mouche ancienne, on ne peut pas non plus trop les triturer, alors, j'imagine. Voilà, toute la problématique, c'est de trouver le bon équilibre. Comme quand on présente les objets en collection, nos deux missions, c'est la conservation et la valorisation. Et ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que on conserve parce qu'il y a une valorisation possible. Et donc, pour valoriser, il faut qu'on ait un élément, donc il faut qu'on l'ait conservé. Donc, il faut toujours trouver le bon équilibre. C'est vraiment cet exercice-là qui est le cœur du métier, c'est trouver le bon équilibre entre la conservation, la préservation. Il ne faut pas abîmer le spécimen parce que c'est un héritage qui nous vient du passé. Il faut qu'on puisse le transmettre aux générations futures. Mais si on le conserve, c'est aussi pour en avoir une certaine utilisation. Donc, il faut l'utiliser tout en le conservant. Donc, effectivement, c'est plus facile de faire un prélèvement sur une girafe que sur une mouche, que clairement, s'il faut une analyse destructive sur la mouche, ça ne va pas être possible, parce qu'on aura besoin de garder le spécimen. Est-ce qu'il existe un réseau officiel des muséums, des musées d'histoire naturelle en France ? Est-ce que vous faites des grandes réunions annuelles où vous vous retrouvez ? Est-ce qu'il y a des listes où vous savez quels spécimens sont présents dans chaque musée ? Est-ce qu'il y a des échanges ? Est-ce qu'il y a une vraie coopération entre les musées où chacun est indépendant et fait un peu sa vie ? Alors, d'un côté, chacun est indépendant et fait un peu sa vie parce que chaque muséum, en fait, est une structure différente avec des règles différentes. Il y a quand même un cadre législatif au-dessus qui est que la plupart ont le label Musée de France et donc sont soumis à certaines règles dictées par le ministère de la Culture, en particulier sur la gestion et la conservation des collections. Donc, il y a le niveau vraiment local, la base, le niveau national qui donne quelques règles. Et puis, il y a une auto-organisation, en fait, qui s'est créée il y a quelques années, la CPMF, la Conférence Permanente pour les Muséums de France, justement, qui est née de ce désir de se coordonner pour se faire entendre sur des problématiques communes, mais qui, du coup, est une association, donc, liée à la bonne volonté de chaque chef d'établissement. Il rentre qui a envie, quoi. Exactement. Donc, il y a une certaine coordination, mais qui est autogérée et uniquement sur la base du volontariat. Mais ça peut arriver, par exemple, que vous échangez des spécimens Ça arrive très, très régulièrement, oui, puisque aucun muséum ne peut être exhaustif. Ah oui. Personne n'a tous les spécimens possibles et imaginables dont il pourrait avoir besoin. Et donc, comme la règle de fonctionnement aujourd'hui, c'est quand même de faire régulièrement des expositions temporaires, on a très souvent besoin de compléter les spécimens qu'on a par des prêts pour les expositions temporaires. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'échanges entre les muséums. Donc, nous, on a quelques spécimens qui partent très, très souvent, qui sont très connus et qui du coup sont très souvent demandés, qui sont même parfois un peu plus souvent exposés ailleurs que chez nous, malheureusement. Mais... comme quoi, comme les fameuses races de poules et donc. Alors non, les races de poules pour l'instant, elles sont plutôt chez nous, mais on a toute une série de naturalisations récentes de félins, par exemple. Bon là maintenant, on en a remis quelques-unes en exposition permanente, donc on les prête moins. Ils sont du coup vraiment pour notre public. On a beaucoup d'espèces d'ours aussi. D'accord. Donc pareil, les ours ont été assez souvent prêtés. Et puis on a des spécimens qui sont spectaculaires par le montage, pas tellement ou pas seulement par l'espèce, mais par la façon dont le taxidermiste les a préparés. Donc des poses plutôt dynamiques, j'imagine. Des poses très dynamiques et qui du coup sont régulièrement demandées pour ça. On a un groupe de wallabies, de petits kangourous qui sont en saut. On a des springboks, des petites antilopes aussi qui sont en saut, donc avec un montage particulier qui fait qu'on a 4-5 springboks en train de sauter, donc ça monte à 3 mètres de haut. On a un montage d'un guépard en train d'attraper un springbok, donc un montage tout à longueur avec le guépard, le springbok, qui donne l'impression de flotter dans l'air. Mais ça, du coup, j'imagine, c'est souvent très beau parce que les spécimens sont récents, donc il n'y a pas de fourrure abîmée ou ce genre de choses. Mais pour vous, ça ne va pas vous faciliter les choses, parce que un montage de 3 mètres de haut, il faut que ça puisse rentrer. Ça se démonte. Le secret, c'est que ça se démonte. Ah. Oui. Donc, c'est modulable. C'est modulable, presque. Mais oui, clairement, de la même façon, quand je parlais de l'équilibre difficile entre la conservation et la valorisation, ces montages dynamiques, ils ont vraiment un effet waouh, donc d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue présentation, muséographie. On est au top. Ça marque les gens, quoi. Ça marque les gens. Par contre, d'un point de vue conservation, clairement, c'est beaucoup moins facile à stocker, à conserver, à manipuler qu'un mammifère bêtement posé sur ses quatre pattes, bien tranquille sur son socle. Mmh. Il y a des bouts qui dépassent, il y a des parties fragiles. Et du coup, ça implique d'avoir des restaurations régulières sur ces spécimens. Alors, d'une part, parce qu'effectivement, les positions font que il va y avoir des fragilités particulières. En plus, comme ils sont spectaculaires et qu'ils sont souvent exposés... Ils peuvent être dégradés par le public. Ils peuvent être dégradés. Alors, la principale cause de dégradation, clairement, sont les manipulations. Même en prenant toutes les précautions possibles... Quand vous le déplacez, oui. Voilà, à chaque fois qu'on déplace un objet, on fait prendre un risque à l'objet. Donc voilà, on est bien obligé de les déplacer, ne serait-ce que pour les montrer au public. Mais on sait que c'est toujours un risque de déplacer un objet... bon, après, effectivement, il peut y avoir de la dégradation. C'est quand même très, très rarement de la dégradation volontaire. Le public est quand même plutôt respectueux des collections, même si certains de nos spécimens donnent très, très envie de leur toucher. Faire des câlins. On le sait. Mais voilà, globalement, c'est quand même plutôt dans les manipulations et les conditions de conservation qu'on a le plus gros risque sur les collections. On en discutait, donc il y a... plein de missions qui sont propres à ces collections de zoologie, et pas que de zoologie, mais là on parle spécifiquement des animaux. Donc les expositions, c'est aussi la grosse partie où il faut valoriser, mettre en avant ces pièces, raconter une histoire en somme, et toucher le public. Donc c'est aussi une de vos missions, monter les expositions temporaires. Ça m'arrive. C'est pas ma mission principale, mais ça m'arrive. Et du coup, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que, par exemple, rien que les thématiques, les durées, elles vous sont imposées ou vous pouvez partir sur ce qui vous botte? C'est variable, en fait. Ouais. On peut avoir des commandes pour participer à des programmations établies. Donc, par exemple, sur l'île, il y a tous les deux ans une programmation l'île 3000, donc une émanation qui vient de l'île 2004, l'année où l'île était capitale européenne de la culture. Et donc là, il y a un thème. Bon, après, il y a un thème général et la question qu'on se pose, c'est comment on peut... rentrer dedans. Voilà, trouver un thème qui se rapproche du thème général tout en permettant de mettre en valeur nos collections. Et puis après, on a des propositions qui sont complètement libres. Donc, mon travail n'est pas de faire des expositions temporaires. Par contre, quand il y a des expositions temporaires qui concernent la zoologie, forcément, je suis impliquée, donc à des degrés divers, selon qu'on ne parle que de la zoologie ou qu'une petite partie dans l'exposition. Et quand c'est une exposition qui est entièrement pour sujet de la zoologie, ça vous prend combien de temps à monter une exposition? Entre on vous donne une thématique et le moment où elle ouvre au public, combien de temps ça prend? Il faut au moins 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans, c'est un minimum, en fait, puisqu'il faut qu'on choisisse le sujet, que le sujet soit validé, avec suffisamment d'arguments, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vérifié que c'était faisable, concrètement, qu'on avait les éléments à montrer, qu'on avait tout ce qu'il fallait, qu'on partait pas sur une mauvaise idée. Donc, de l'idée de départ, on va déjà avoir un assez longtemps de travail de préparation, c'est-à-dire il faut se documenter, il faut vérifier les informations. On part sur une idée, des fois il faut remanier, donc on écrit un parcours scénographique en fait. Toute la recherche de contenu à la base, vraiment oui. Le fond. Oui, il y a vraiment un gros travail de recherche de contenu, de compilation de données, de lecture, de recherche pour avoir de la matière. Ensuite, il faut réfléchir à comment on organise cette matière, donc définir le parcours muséographique. Qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire, donc quels circuits, quelles étapes, illustrer avec quels exemples. Donc là, on commence à avoir un parcours avec, on vérifie comment on peut le remplir, donc quels spécimens on va pouvoir mettre, comment on va pouvoir illustrer, comment on remplit l'espace, puisque en général, on a un espace défini. Donc nous, on a pour l'instant une salle d'exposition temporaire qui ne fait que 200 mètres carrés, ce qui est vraiment pas énorme. Donc il faut à la fois remplir suffisamment, mais pas trop. Il faut des éléments phares, il faut des éléments qui donnent envie au public, et puis il faut quand même aussi qu'on fasse rentrer les choses qu'on a vraiment envie de montrer, que le public attend pas forcément, mais que nous on a envie de leur vendre. Donc voilà, il faut vraiment jouer sur tous ces tableaux de ce qui est possible, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui va marcher, de ce qui est possible techniquement, financièrement, etc. Et il faut qu'on ait tout ce programme muséographique prêt pour du coup évaluer le budget et voir quelles procédures administratives on va mettre en place pour le réaliser. Donc en fait, il faut vraiment que le travail soit préparé très en amont pour qu'on ait une idée de combien ça va coûter, pour pouvoir faire les demandes de financement et les procédures administratives qui permettront de dépenser l'argent. Et vu les délais des mises en place des procédures administratives qui sont toujours de plusieurs mois, il faut qu'on ait une idée précise de ce qu'on va faire au moins un an à l'avance. Du coup, vous pouvez demander la création de nouveaux spécimens pour spécifiquement une exposition, ça peut arriver. Oui, oui. Après, tout dépend du budget, de la répartition budget, et puis de l'intérêt. Enfin, voilà, il y a les pièces qu'on n'a pas, mais dont on n'aura pas forcément besoin et qu'on va plutôt chercher à emprunter. Et puis, il y a des pièces qu'on n'a pas, mais qu'on aimerait avoir parce que ça complète bien la collection, parce que c'est vraiment intéressant dans un parcours de visite qu'on veut pérenniser, parce que pédagogiquement, ça rentre bien dans un circuit de visite qu'on fait déjà. Et du coup, on va plutôt chercher effectivement à acquérir le spécimen ou à faire monter un spécimen qu'on a déjà dans nos congélateurs. Oui, parce qu'il y a encore du coup des spécimens dans les congélateurs qui ne sont pas montés. Il y a ça aussi dont on n'a pas parlé. En plus des réserves, il y a aussi ceux qui sont en réserve. Voilà. Et ça, il y en a beaucoup qui peuvent être montés, vous avez en réserve. Oui. Plusieurs congélateurs. D'accord. Plusieurs grands congélateurs. Ouais. Bon, après, quand on a un émeu, ça remplit le congélateur. Ça prend de la place. Voilà. C'est quand on a des moineaux, il y en a beaucoup dans le congélateur. Et puis, on a aussi les potanées, c'est-à-dire les spécimens qui ont été dépouillés. La peau a été préparée, mais on n'a pas fait réaliser le montage. Oui, tout à fait. Donc ça prend moins de place que la pièce montée. Et est-ce que ça arrive que des expos temporaires, parce que l'expo temporaire, c'est triste, mais elle est temporaire. Donc au bout d'un certain temps, c'est le principe. J'imagine que soit elle disparaît et son existence est une fin arrêtée dans le temps, ou peut-être qu'elle peut aller dans d'autres musées. Je ne sais pas si c'est courant. Alors, il y a des circuits de location d'expositions temporaires. Ça se fait, alors, soit des muséums vont concevoir une expo à deux ou trois, et du coup, l'expo fait autour des partenaires. Soit elle est conçue pour être itinérante et elle est proposée à location pour être dans d'autres espaces. Alors, ça existe. Nous, on est moyennement concernés par ça, justement par le fait que notre salle d'exposition temporaire est plus petite que ce qui existe dans la plupart des établissements. En général, les expositions temporaires, c'est plutôt entre 300 et 500 mètres carrés. D'accord. Ce qui fait qu'on n'a pas la place pour accueillir celles des d'autres, autres. Ouais, je comprends. Ça ne rentre pas. Et ce que nous, on conçoit... fait pas assez étendu, étoffé. C'est pas assez étoffé pour les autres. Et puis surtout, la limite aussi, c'est qu'il faut gérer la location d'expositions temporaires. Il faut quelqu'un pour gérer l'itinérance. Puis il faut emmener tous les spécimens. Donc quand il y a un rhinocéros ou un bœuf musqué à déplacer... Voilà. Alors après, ce qui se fait, c'est que... enfin parce que tout le monde doit faire à l'économie, c'est que on peut proposer le principe, le concept quand on a travaillé. Donc, nous, on a la chance de concevoir nous-mêmes toutes nos expositions, de très très rarement accueillir des expositions toutes faites. Donc, on les fait effectivement à partir de nos spécimens, puisqu'on cherche toujours à valoriser nos spécimens. Et par contre, on a déjà proposé un concept qu'on avait réalisé, qu'on a transmis à un autre musée, et eux, ils l'ont illustré avec leur propre collection. D'accord. Donc, si par exemple, vous leur dites, bon, il vous faut 3 poules et 2 coqs, vous gardez les vôtres, et eux sortent... Ils mettent les leurs, voilà. On leur donne le principe. On avait mis telle photo, là, on avait mis tel spécimen, on leur donne les plans, on leur donne les textes. On leur donne toute la matière et eux reconstruisent l'expo et donc la réalisent avec leur propre spécimen. On va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup Muriel d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir ouvert les portes du Musée d'Histoire Naturelle de Lille et de ses coulisses. On finit comme d'habitude par quelques conseils de lecture. Pour conclure cette émission, je vous propose quelques découvertes diverses. Pour commencer, un ouvrage précieux qui a été ma source d'inspiration principale pour cette chronique. Il est réservé malheureusement aux plus anglophones d'entre vous, car écrit exclusivement dans la langue de Shakespeare. Il s'agit du livre The Naming of the Shrew, que l'on pourrait traduire par Le baptême de la musaraigne, écrit par John Wright et publié par Bloomsbury. En 300 pages, on explore les mystères des noms latins, leur fantaisie et le travail des taxonomistes de toutes les époques. C'est instructif, drôle et écrit dans un style britannique, piquant, absolument réjouissant. Une pépite. En complément, je vous conseille de visionner la vidéo de Marie de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosité, intitulée « Cette mouche ressemble à Beyoncé », qui, en 3 minutes 19 top chrono et vêtue d'une peau de licorne rose, vous résume la nomenclature binomiale et ses applications les plus cocasses. Pour plus de noms d'animaux surprenants, je vous invite à découvrir le travail de Silly Bird Names sur Instagram et Twitter. En 10 cases de BD, l'auteur vous raconte de façon un poil romancée comment les anglophones et les francophones se sont affrontés pour nommer des espèces d'oiseaux. On y apprend que les Français, fervents romantiques, optent pour le pompeux Sirquette Jean Leblanc, alors que les Britanniques, plus pragmatiques, lui préfèrent le Short-Toothed Snake Eagle, l'aigle serpent à petit peton, ou encore que le nom latin du genre auquel appartient l'engoulevent, Caprimulgus, choisi par Linné, signifie en vérité « suceur de chèvre ». Shocking. Et enfin, pour les plus jeunes auditeurs, je vous recommande la lecture du court roman jeunesse, Le mystère des oiseaux sans pattes, qui fait partie de la série Enquête au muséum, écrite par Laurence Talérac, superbement illustrée par Titoine, et publiée aux éditions Plume de Carotte, en partenariat avec la Conférence permanente des muséums de France. Cette série de romans d'environ 70 pages, qui comporte à présent 19 tomes, met en scène Zoé, qui recherche des informations sur ses ornithologues de parents, disparus mystérieusement lors d'une expédition dans le Pacifique. Avec ses amis Alice et Clarence, ils s'introduisent dans différents muséums d'histoire naturelle pour collecter des indices. Dans ce tome, nos héros visitent le muséum de Lille et découvrent l'existence des oiseaux de paradis, décrits par les Européens comme dénués de pattes, car les dépouilles qui leur parvenaient étaient préparées ainsi. En plus de l'histoire, un feuillet pédagogique vous en dit plus sur l'origine historique des spécimens de musée. Très instructif, et les enfants adorent. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.